t'es nouveau dans le business. Ça veut placer, banquer, banco, planquer, plan cesse. T'es nouveau dans le business. Crame et tu continues d'encaisser sans cesse, badass. T'es nouveau dans le business. Sans les connaissances et les connexions, cousin, t'es nouveau dans le business. Depuis mon enfance, je connais son MC, t'es nouveau dans le business. Parle pas d'un délire, aujourd'hui j'en délire. Ça c'est le son des cambrioleurs en série. J'ai toujours évalué les risques. On a quitté ce que tu commences à voler, voleur. Mais t'as jamais percé un covio. On a quitté ce que tu commences à dealer, dealer. Mais t'as jamais touché un kilo. Sur le terrain y'avait le bon coaching. Les toxicos planaient comme Boeing. C'est ma génération, bonne Z, PBS. On se faisait pas péter par un SMS. On m'a dit YGA, aujourd'hui le business c'est ça. Héroïne et la pièce détresse. Ça veut placer, banquer, banco, planquer, plan cesse. T'es nouveau dans le business. Crame et tu continues d'encaisser sans cesse, badass. T'es nouveau dans le business. Sans les connaissances et les connexions, cousin, t'es nouveau dans le business. Depuis mon enfance, je connais son MC, t'es nouveau dans le business. Je reviens tout baiser sur le beat. Et si mon son baisse son caleçon, ça sera pour se faire sucer là. Tu reconnais la devise du 26 000 sans son. Ouais les rappeurs, j'baise le bis. Ramène un clasheur, j'me bête le beat. Même si j'tétanise, TS, pas barbale. 50 t'es sa mise, qui te baisse en barbale. Tu entres en piste, mais tu rentres en sang. Je mène la danse sur la piste de sang. Compétent, y'a deux rappeurs complémentaires. T'as vendu la mèche dans tes complémentaires. L'essence de mon flow fait que tu sais pas zéro. C'est l'essence de ma voix qu'on allume aux zippo. Internet et ces petits rappeurs, ils connaissent moins la rue que leur ordinateur. Ça veut placer, banquer, banco, planquer, plan cesse. T'es nouveau dans le business. Crame et tu continues d'encaisser sans cesse, badass. T'es nouveau dans le business. Sans les connaissances et les connexions, cousin, t'es nouveau dans le business. Depuis mon enfance, je connais son MC, t'es nouveau dans le business. T'es nouveau, t'es nouvelle. T'es nouveau dans le business. T'es nouveau, t'es nouvelle. T'es nouveau dans le business. Véri, vérifie, c'est mon territoire. Réveiller mon côté clash. Tu vas voir, je t'ai pas dit quand tu fatigues, je fais de la zik et je décapite. Et c'est la jalousie cousine qui perd le sourire. J'arrive avec une belle paire de souvenirs. J'investis hip-hop, ça c'est touriste, gentil. Mais peu commode comme un dragon de Komodo. Quand ton plan de carrière fait du toboggan, grosso modo, fais tes bagages, pars en rigolant. Ton son est sur la paille et moi j'ai bu avec. Pas le QI d'une abeille, pas de multiples facettes. Certains rappeurs font les belles culs dans un cul. Tu sais, désolé, même si au fait ton flow, je l'ai bu cul sec. Si t'es pas dans les temps, ton son est dans les vagues. Perds pas de temps, j'suis bientôt dans les bacs. Non, sur le droit chemin y'a un bac. Ça veut placer, banquer, banco, planquer, plan cesse. T'es nouveau dans le business. Crame et tu continues d'encaisser sans cesse.